Ouais. 9-4. Piano du bitume. Ouais. 2008. Légitime défonce. 9-4. DJ Joke, bienvenue dans ma cité, Créteil 9-4 Palais City, où les jeunes papas de la city méconnaissent la lassitude, trop peu touchent les acédiques. Pendant la vie est assez dure, pour ça les miens se mettent au deal de manière assidue, va vers le gros chou, la dynam va te séduire, les gros sous balancent pas, sinon ça risque de sévir chez nous, t'inquiète. Y'a du bon produit, du bon seum qui laisse trop d'huile, et de la seum qui s'introduit en plein jour ou en pleine nuit. C'est rare en pénurie, fume dans tes narines. T'auras pas de peine à rire, mais fais bel au café. À l'amende pénale, fils, dirais que ça te coffre. Tu ne seras plus peinard, fils. Bref, passe au tartan. Si tu veux trouver l'équipe, ma clique d'alcoolique qui se pute à la vodka cola. Quel le Renoir, je l'oublie. Qui se mène avec des gros niax, des grosses pattes, des grosses là. Tout ça s'arrache le thorax. Dans ma cité, y'a des bâtards qui t'es taras, des connards qui t'es taresse. Pendant que d'autres baissent ta russe, y'a des rappeurs techniques, pas danseurs de tech. Tony, pas de flow à la J-Unix, il faut pour percer dans la musique. Pour la tête de DJ Joke, on n'arrive pas comme les G.I. Joe, plutôt comme le G.I. Gros pour représenter nos gadgets. C'est du peur produit de Créteil, perçant comme une crécerelle, par poussant comme une crécelle, mais là pour foutre son grain de sel. Pour les pianos du bitume, c'est du bon, pas une bitume. Pour ceux qui mènent une bitume, qui prennent l'alcool et titube. Pour eux, faut faire des petits tues, et ça, sans faire les petites putes. On se vise, se faire une répute, pour que la cité exulte. De quoi parler Créteil Palais, des malunés, des malhonnêtes, des mal aimés, des meufs qui se comportent comme des mecs. À l'école, elles ont déjà leur bande comme Nicole. Sauf chez nous, c'est les petits black dolls. Y'a les commères et les curieux, ceux qui tolèrent les furieux. Avec de l'entraide, je t'assure, ça serait mieux. Les gens préfèrent te plumer, ça vaut une vie pas plus mal. Vois pas le mal, que du bien quand ça finit dans le plumard. Y'a ceux qui font les gros, alors que c'est des clochards. Y'a ceux qui font la ragla, qui sont au pire cauchemar. Tellement on a de la bonne, ça amène des toxicos bizarres. En bas du tribunal, discrétion ceux qui font du bis dans la tête de DJ Joe, qu'on arrive pas comme les G.I. Joe. Plutôt comme le G.I. Gros pour représenter nos gadgets. C'est du peur produit de Créteil, perçant comme une crécerelle, par poussant comme une Crécelle, mais là pour foutre son grain de sel. Pour les pianos du bitume, c'est du bon pas une bitume. Pour ceux qui mènent une bitume, qui prennent l'alcool et titube. Pour eux, faut faire des petits tues, et ça, sans faire les petites putes. On se mise, se faire une répute, pour que la cité exulte. Viens dans nos quartiers, où certains ne sont pas quartiers. Pour des thunes, un regard, une chatte ou des lunettes quartier. Y'a des sans pitié, des mecs sympathiques. Des mecs compatissent ou des schizo à moitié. Des charades de shit, des histoires de chat, des descentes de Schmitt et des commères qui jacquent. Des roulages de pattes à te décoller le slip. Ça se fout de la bague comme s'il portait des slims. Bref, c'est ma ville, mon quartier, là où j'ai grandi. Où l'on compte les bandits plus que les sages comme Gandhi. La routine on subit du mardi au lundi. Un service dont on ne trouve pas souvent la sortie. Mec, qui te dit que la vie dans nos quartiers n'est pas si belle. Pour ces zones urbaines, moi je fais pousser les décibels. Promis de côté, limite dans la peine. Là, c'est M.I.D.Z au mic, je laisse parler ma peine. Pour la tête de DJ Joe, on n'arrive pas comme les G.I. Joe. Plutôt comme le G.I. Gros pour représenter nos gadgets. C'est du peur produit de Créteil, perçant comme une crécerelle, par poussant comme une crécelle. Mais là pour foutre son grain de sel. Pour les pianos du bitume, c'est du bon pas une bitume. Pour ceux qui mènent une bitume, qui prennent l'alcool et titube. Pour eux, faut faire des petits tues, et ça, sans faire les petites putes. On se mise, se faire une répute, pour que la cité exulte.